Le roman de Renard, livre 6. Comment le frère Convert ne détacha pas les chiens. Mais pour surcroît de danger, en s'éloignant de la mésange afin de rentrer dans le bois, il se trouve en présence d'un de ces demi-vilains, demi-valets, qui par charité ou pour quelque redevance obtenaient la faveur de vivre de la vie des moines, qu'ils servaient ou dont ils gardaient les terres et les courtils. On les désignait sous le nom des frères converts ou convertis à la vie monacale. Gens peu considérés et qui méritaient rarement de l'être davantage. Celui-ci avait la charge de tenir en laisse deux vôtres ou lévriers. Bientôt, le premier valet qui aperçoit Renard lui crie à haute voix « Délit, délit !» Renard comprend le danger. Au lieu de tenter une fuite devenue impossible, il aborde résolument le frère Convert, qui, s'adressant à lui, « Ah, méchante bête, c'est fait de vous !»« Sire religieux, dit Renard, vous ne faites pas que prud'homme. Aucun ne doit être privé de son droit. Ne voyez-vous pas qu'entre les autres chiens et moi, nous courons un enjeu que gagnerait le premier arrivé? Si vous lâchez les deux vôtres, ils m'empêcheront de disputer le prix. Vous en aurez tout le blâme. » Le frère Convert, homme simple de sa nature, réfléchit, se gratta le front. Par Notre-Dame, se dit-il, Dampe Renard pourrait bien avoir raison. Il ne lâcha donc pas les lévriers et se contenta de souhaiter bonne chance à Renard. Celui-ci, pressant alors le pas, s'enfonce dans les taillis et, toujours poursuivi, s'élance dans une plaine que terminait un large fossé. Le fossé est à son tour franchi, et les chiens, après un moment d'incertitude, perdent ses pistes et retournent. Mis à l'abri de leurs dents cruelles, Renard put enfin se reconnaître. Il était épuisé de fatigue, mais il avait mis en défaut ses ennemis, et si quelques heures de repos ne le rassasièrent pas, au moins elles lui rendirent sa légèreté et toute son ardeur de chasse et de maraude.